Le 1er septembre, selon la radio KBS et News 1 de Corée du Sud, les bellicistes sud-coréens envisagent d'organiser une soi-disant cérémonie commémorative de la victoire dans la guerre depuis le 9 jusqu'au 11 pour reproduire avec les agressions impérialistes américains l'opération de débarquement à Incheon du temps de la guerre du 25 juin, notamment à l'île de Wolmi. Cette opération a donné le sujet à un épisode qui montre la honte américaine au monde entier. Pendant la dernière guerre de Corée, plus de 300 navires, presque un millier de chasseurs et plus de 50 000 soldats sous le commandement de MacArthur ont été frappés pendant 3 jours seulement par 4 canons de l'armée populaire de Corée.